L'éternel ma force, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon refuge, mon bouclier, la corne de ma détresse. J'invoque l'Éternel, digne de louange, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enveloppé, les torrents du mal m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai crié vers l'Éternel. J'ai lancé mon cri vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Son oreille a saisi mon appel en feu. La terre fut ébranlée, les montagnes tremblèrent, car il était irrité contre l'oppression. Il abaissa les cieux, descendit dans la nuit, porté sur un chérubin dans la sombre nuée de son âme. Selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant lui. Car j'ai gardé les voies du Seigneur, je n'ai pas abandonné sa loi dans la nuit. Avec le fidèle, tu te montres fidèle. Avec l'homme droit, tu es sans détour. Tu sauves le peuple humble et brisé, mais tu abaisses les yeux hautains pour tout.